de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. C'est le moment de Hind à Brezhoneg, Kentel Pemkanper, à Trégonde, 534, puisqu'en breton on dit 504 et 30. Enfin bon, voilà. Et il faut dire comme ça, parce que sinon, si on ne dit pas comme ça, personne ne comprend. Ah non, il faut suivre là la règle. Ben voilà. On commence cette émission de Hent Arbrezhoneg par Gerriou Arvué. On découvre un mot aujourd'hui, Henri, oui, comme d'habitude. C'est le mot très employé, qui est sort ou sorte. Hein, ça dépend des endroits. Ici, à Pemrit, on dit sort. Hein, et ailleurs, on dit sort. Bon, il y a les deux formes. Hein, et les deux viennent du français, hein, de l'ancien français sorti. Sort aussi, qui est venu du latin sorti. Sortis, hein. Voilà. Et alors on trouve donc, comme je l'ai dit, les deux formes. Hein. C'est un mot masculin, donc il y a comme pluriel sortou ou sortou. Hein. Et alors c'est très employé sous différentes formes. Par exemple, sortse ou sortse, de cette sorte. Hein. Il y avait Iwan Dommas, le sonneur de clarinette là, qui disait sortse labour anaïda. Alors, c'était, il parlait de lui-même en disant, des gens comme ça te travaillent bien l'outil, quoi, la clarinette, quoi. C'est très difficile à traduire en français, ouais, quoi. C'est source. Hein. Et on peut dire source pour des gens, pour des objets, pour des animaux même. Source pour des animaux, ça marche aussi, quoi. Voilà. Donc, par exemple, on va dire « Source ne veut que gueule d'Alice hein. ». Cette sorte-là, on n'en voit pas souvent. Hein. « Source ne veut que gueule d'Alice hein. ». Alors, il y a des composés comme « Pessert ». Alors là, il y a plusieurs formes, hein, parce que « Pessert », à l'écrit, on met « Pessert hein, », on prononce « Pessert ». Et même ici, on dit « Pessa » aussi, « Pessa ». Ah oui. Et même, parfois, on redouble, on dit « Pessa sorte hein, », quel genre de... Un peu sa sorte d'aîné, quel genre de personne c'est celui-ci, quoi. Le breton est très souple. Hein. On pourra donc dire pesseur d'aîné, hein, quel genre d'homme c'est, ou pesseur de sorte d'aîné, hein, ou pesseur sorte, hein, voilà. Pesseur de lioué, hein, de quelle couleur c'est, hein. Voilà. Pesseur d'âme, j'aurai vu du, hein. Quel temps il fait aujourd'hui. Pesseur d'âme, quel nom vous êtes, ou Pessa Houndpuss, hein, quel nom vous avez. Hein. Voilà. Bonne. Pessa Londe de Vegueled. Hein. Qu'est-ce qu'on voit comme animaux hein. Donc voilà, c'est. Pessa de. Ah, je pensais à quelque chose, là, j'étais en train d'écrire un petit article sur le camélia, là, tout à l'heure, et je disais Pessa Douar oblige de Hamélia. Hein, une question, hein, quelle sorte de terre plaît aux camélias, douar treng, hein, de la terre acide. Hein, voilà. Pessert benveg pesprenet, hein, quel outil vous avez acheté. Hein, voilà. Pessert kano wen peskanet, hein, quelle chanson vous avez chantée. Hein, Pessert brezon de xogranta, hein, quel genre de breton il y a avec lui. Voilà. Zézosord aussi, quand on dit Zézosord, c'est pareil, c'est indifférent, c'est la même chose, quoi. Hein, Zézosord. Alors, Pessemaud, hein, de quelle façon, hein? Et on peut répondre Bepsormaud, hein, de toutes sortes de façons, hein. Pessemaud Vegredze, hein, comment on fait cela, hein? Alors ici, on dira Pessemaud, bien sûr, hein. Pepsort, hein, toutes sortes de choses, ou sort de bête, d'aucune sorte, hein, en fait. Il hein. Y a un dicton qui dit Guelmeus Pepsort, Régan Marédort. J'ai vu toutes sortes, hein, des bossus et des boiteux, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu toutes les couleurs, enfin. Hein. Il y a pas mal de dictons avec sort comme ça. Gueloré sort de zo et vite sort de neusket. il vaut mieux prendre ce qu'il y a que ce qui n'existe pas, quoi. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. En gros, voilà. Hein? Liesorte aussi, hein. Liesorte, qui veut dire varier, hein. Voilà. Et puis, Kensorte aussi, Kensorte, collègue, hein. Collègue, quelqu'un qui fait la même chose que soi-même, hein. Voilà, congénère, voilà. Et il y avait consorte aussi, qui est le garçon d'honneur dans un mariage. Ben, c'est pas mal pour finir. Bon, on en reste là. Voilà. Et on passe à Brezhonek Tom, à Tom. Dans cette seconde partie, Brezhonek Tom à Tom. Et cette fois, il me semble qu'on retourne à Zantolok faire un petit tour. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas allé là-bas. Oui, ça fait un moment qu'on n'était pas allé. Alors là, il y a une veillée qui va être organisée, comme chaque année, pour le mercredi des cendres. Ils ont l'habitude d'organiser ça, le mercredi des cendres, le premier jour de carême. Et cette année, c'est le 1er mars. Donc, il y a une veillée ce soir-là à Zantolok. Bon. Donc, Chornik est allé voir Job, et l'instituteur en retraite, Job Nedelec. C'est lui qui organise. Et c'est son association, Bleu New Zantolok, qui organise. On va les écouter. Salut Job, ma de jeu. Matré, Chornik, matré. L'arrêt d'Inta, Job. Clé et meuse, vos gretteur veillade, prestig basantolog. Ja, demerer ludu, vos gretteur vel beplor veillade, basantolog. A pio avoir droit. Alors, gevridig es bleu zantolog, et vel kisa custum. A plaire vos gretteur veillade. Un veillade, vos gretteur bâti fange pelquat et vel juste. A pio vos pédet. Conte rien vel jobber gwen, zon rien vel or vredeur et garat, quand rien vel fange las blei, à tudel was. Digor voile l'euren. Ja, et vel custum. Hag un tamm bouen a vo da chakal. Ja, ou bon arzou ben vo ro et un dut, zon jalran vo pijadur don de rit, chanik. Zur oa, ma ne veke skorn war an en chou. Ja, ma trezen vo. Et voilà, on va reprendre donc phrase à phrase ce petit dialogue d'hiver. Entre Chornik et Job Nedelec, ça se passe à Zantolok, ce village particulier où tout le monde parle breton d'ailleurs. Oui, même les Anglais. Même les Anglais. Allez, salut Job, main de jeu. Oui, comment ça va bien? Matré, Chornik, matré. Très bien, Chornik. L'arrêt d'Inta, Job. Clévet meus vos grès d'Arveillade, prestique, bas Zantolok. Oui, dites-moi donc, Job, j'ai entendu qu'il y aurait une veillée bientôt à Zantolok. Il y a Chornik. Des mères à Ludu. La Végrette. Oui, le jour du mercredi des cendres. La Végrette Bepla, Arveillade, Bazantol. On fait chaque année une veillée à Zantol. À Pio Ravadro. Et qui s'en occupe? Oberwardro, c'est s'occuper d'eux. Hein. Argevredigez, Bleugnoz an Tolek, velkis a custum. Ben, l'association Bleugnoz an Tolek, comme d'habitude. Hein. À plaire, Vaugrette? Et où ce sera fait? Bâti Van Spenquat, vel juste. Oui, et bien sûr, chez Van Spenquat, hein, c'est le bistrotier. À Pio au Pédet? Et qui sera invité? Conteurien, vel Job Argwen. Oui, des conteurs comme Job Argwen. Zonneurien, vel Vredeur et Garat. Des sonneurs comme les frères et Garat. Canneurien, vel Fanchlas Blaise. Et des chanteurs comme Fanchlas Blaise. Digor, vel Leuren. La scène sera ouverte. Ah, ya, vel costume. Ah, bah oui, comme d'habitude. Agantampouet, vaut de chacal. Agantampouet, vaut de chacal, oui, j'aime bien ce mot-là. Chacal, il y aura quelque chose à manger. Hein, un peu de nourriture à manger. Ya, arbanorzou, ben vorouet d'andut. Oui, on donnera une soupe à tout le monde. Zonge Laurent et vos pligades. Je pense qu'il y aura du plaisir. Donnerie, Chanik. Vous viendrez, Chanik. Zurwa. Sans doute. Manévéke Scorn Warnench. Oui, s'il n'y a pas de verglas sur la route. Eh bien, on en reste là. Voilà. C'est parti pour la troisième partie. Juste après, un peu de clarinette. Eri, Petra zo neve ar vro. Ben, kalze draou zo neve ar vro pou ar vejdi ouzan. Hag krogon me velkiz a custum gant an labour douar hag ar vue war ar mez. Ayon bremañ lansemad, ben mis c'hwir, men e ket de chuhoaz. Mis c'hwir e c'hwir e bien de l'ar en dun gwejel. De l'ar ade ar mis a zo ber me vej a ouve kri. Ga tien jwek de echu mis c'hwir e vel just vek de echu ar gwan. A me mestra, gwellet ve un dejo zo hirat bremañ, a mondoran war zu an eve amzer. Après, si vous gwell un dut, ba parkei ur labourat, trei douar diaz tei, vid vo prest un douar vid ur un trevadou. Setu mondoran war un tuba dan man me mestra. Presti je vo ba fine mis, hein, hag ba deo tientan de mis meurs, vo salon ze labour douar ba Paris. A blanc me lond a zo bet dibab du boudar ouez ar salons, zo ur veur brise du, a vo gwellet ba tout de skritel ou vo laket ba metro a l'erel ba Paris. Vo gwellet veur brise du, zo han de fine, zo de bro redon. Yeah. Hag, bon, zezo mad, hein, on tamm bruder a vid zo out brise du. Hag, zo war, klem komz de se oaz. Komz ve kalz ur mar eman de ze grib neuned, hein, gant virus HP menaiz. Hag bon, am beta bremañ, ne ket eo beta bremañ, beta breiz am. Met deus iwal zo me mestrak, hein. Virus ve digas gant lont gwe, gant un drit da neun de farle. Hag e red iwal deus hir, deus houd, ya deus tout lont de ferm, hein, vel just, deus neun de ferm. Hag bon, spimeus me mestrak eo ket eo am, ka zizo gwal rivint vid un dut. Deux heures politiques ne comprennent que tard cas de vigme plus dur mon mesque d'un trou à un bon jeu à re sauve vigout puis de ayoir cadre république à un bon et que clair un trou à qual occupe des politiques rien ganzi au politico à zobirana venement bavro ou à Pierre Yvon Trémel zone d'in de scavant là que noa croque abri d'or politique puis au et de mer bacavant de bermla ou arnugen à que par pempla très grande grette politique res ou arvro bd cusule général député sénateur il y a graineuse net toute Mais j'y vois et être réabrite de Normand ou d'un des glaçaux. Hag, assez au bé d'une bande au lever, ou à bu et, Pierre-Yvon Trémel, hein, quand Yvon Richard ne scrive de lever. Pierre-Yvon Trémel, un cœur à l'ouvrage. Hag, bon, l'herbe moyenne de nouvelles, en temps de spice de secrète. Pierre-Yvon Trémel, ou on d'un zeber, on d'un vesson. Hag, gant darant pre d'oumar, gant tout un dut, hag gant din tom de ze vro a de ze brezhonek. Vez je n'am zon meus bit de darant pre d'ou gantan, hag istimo a gant tout un dut. Hag, Amelia, souvenir de Pierre Yvon Trémel, zo be krouet gant fanche moal, hag vider un jong de Pierre Yvon Trémel. C'est zo vraiment lever hag o Amelia. Vigenom sur Gontandard de ce PSVGRED ou à Rueda de Brezonok, un Neveso, zo Gred au Lérien Bessédia, vide la 4 du Warben Zévena d'Urbreiz. Bessédia, zo Gred gand Strolat BCD, à zo Bretagne Culture Diversité. À gaz aux autres ou à bob sort trop scrive quand tu de skiant noir pep sort ta chez nous war brace kay tout dans une galag mais trop de raison quand sten charbono à gosse qui paye tu zo cal je trop aux autres dans raison bon puis dur on comme ces en raison les war vidoriez ou gosse zo be de kinig de ce gual belzo bah quand ben député Gandani le Werouz de Zouenkam Baram de député de Zouenkam mais il y a des 12 ans de mise gender bon roi que calze dut bah un des bah breuge ou un peu du roi ou des on est gatru une roi bénéfine un des une calze dut hein mais peut-être comme ce deuxième ou quoi ce que fait que calze dut bah breuge ou quoi je bête à cette UV je me trame de lesen mais ne ce que calze dra bars hein trame de lesen mais de bon ne vaut que de lac d'un plus plus dur ne vaut que d'hommes ordonne bêta camberegos Alors c'est là un peu soin ou arrête tramendre à plus durement bon un député sénateur il nous aurons une vacance ou vraiment c'est une vaut que un droit vivement bénéfique aux végeoises quoi vel qu'ils accustument quoi bon ayons crog et abri des rois mais crog et hommes repardon yo neige voir nugen de ce vis vient vers ou pardon un tas de mode bah plévine Puis durant un tas de mois, ou à mar un dessin, un léjoir nugen de ce mise Genver Pellar in mode, mille ouer quand tri à Perrugue, ya, des eaux rogasso, hein, avec Bepla Vegred, parlons un tas de mois, avec Blanc Megouy est juste un dessin. À Indel, Vizant Veltaz, ou à même Smoot, Blanc Megouy est juste de Zul de un des Andveltaz, ou à pardon, bah, Morgor, bah, Tremal, bah, Balaniscat. Pardon, y'a au vide Zandveltaz. Hag, bon, végen om sorvet komple de zand veltas, pe dure eo zen, zand an eus bit kalz, bouez am ba kreiz breiz. Vichon moar da chen ur zevena dur Jean Baron, ni oa skrive de tri blasso, pi per blasso, bremañ o lever war i vu e zon, hag ar an eus gred o neil lever war mam eus da chen, war bue o zon ur deus evro. Jean Baron zo an ave mal, vel zon ur ben eus bet kel kalz dra, gant eus vomb ar gant eus ocarina, mamez. Hag zon eur hag an Christian Annex, un bon, an avet mat, bavro. Kom se ve kalz de ze kler, de ze helri ou kelti, ur mar eman, pudur waler brezel, en ei brezel bi, de oa bi, de zavet kalz kelri ou disse, pudur de houls, vijek de oa ke bra, kom se ze vena dur brez, hag on e batun, ni oa jonge e dor, Or trou stroladou vel bagadou pe kelrio keltiek vid klas mir an memestra an tamm de ze vena dur breiz. Hag bon zer a degla a trug en zo, hein. Setu vo lid et blam degla war a trug en vid rostren a vid karez ma meus mod. Hag man klask bon tuda neus bet danse da zonet ba. Vide Stroladouze. Daugen Lasso, Mameus Maud, oa bed lance ur Strolad, ba bro galo, strut du ridor, hag blamen un justement un lit de ze, ba misien var aze un daugen de a blan. Bon, evit echu, nahan l'ar en orgier de ze chapel zantou arno zo ba boulvriak, zo begred o bern la bor warne, pe dio oa Oa ke kouet, met de sterd oan traoù, pe dure vargor oa a hidreuz, hag oa berret divont o vargor a zevel, hag bremañ vo moyen d'or. Kalz e draoù oaz ba chapel zantou arno, o chapel hir a bra oar le dier enan ba zantou arno. Bon, setu un tamm de spesso neve ar vro, Morgan, hag tien ar vejel. Keno eri.